37e chapitre. Retour en Bretagne. Ces paroles étaient à peine prononcées que la plus vive indignation se manifesta sur la physionomie de Guy Hébert. C'est qu'il pensa éclater en injures contre Henri IV, qui semblait avoir oublié ses lettres d'abolition. Mais il se contraignit, craignant de faire de la peine au baron et à Marie. Pendant sa détention, il avait beaucoup maigri, et il était facile de voir, à l'expression de son visage, qu'il avait cruellement souffert. Quelques mois sous les verrous pour une nature comme celle de La Fontenelle équivalait à une captivité de 10 années. Ce n'était pas la mort qu'il redoutait, il l'avait bravée 100 fois, mais il craignait l'horrible cachot, son affreux silence et son effrayante solitude. Son dernier emprisonnement lui avait beaucoup donné à réfléchir. Décidément, il ne pouvait plus s'y tromper. Ses nombreux ennemis cherchaient à circonvenir le roi et à le faire revenir sur sa parole. Ils avaient juré sa perte, ils en voulaient à sa vie. Désormais, c'était donc à lui de se défier de leurs sourdes machinations et de faire en sorte de les déjouer. Ses souffrances s'étaient encore accrues en songeant au chagrin qu'avait dû éprouver sa femme après son arrestation. Oh, s'il avait pu prévoir les événements, bien certainement, il se fût opposé à ce qu'elle le suivît dans la capitale. Tous ces pénibles souvenirs lui rendirent odieux le séjour de Paris. Aussi, le lendemain de son élargissement, après avoir été remercié le maréchal de Lavardin, il se mit en route pour la Bretagne. En arrivant à Rennes, il se sépara du baron qui prit le chemin de son château. Quelques jours après, La Fontenelle était à Coisdélan avec Marie. Rien n'était changé dans ce tranquille séjour. Seulement les travaux qu'il avait commencés avant son départ étaient entièrement achevés, grâce aux soins de De Romard et de Quilliec. Dans l'état actuel, Coisdélan, parfaitement bien fortifié, pouvait résister à un coup de main. Depuis son retour, La Fontenelle sortait peu. Cependant, de temps en temps, il se rendait à Trémel pour presser les travaux de son manoir de Trébriand qui touchait à leur fin. Souvent aussi, il aimait à se promener dans les environs, accompagné de son ancien lieutenant et de Quilliec. « Je suis content de vous, mes amis !» leur disait-il un jour en examinant l'ensemble des fortifications de son château. « Vous n'avez pas perdu ici votre temps, et pendant que je gémissais dans les cachots du Châtelet, vous m'avez dignement remplacé. Si vous n'avez pas fait de Coisdélan une forteresse aussi redoutable que l'île Tristan, vous l'avez rendue une aussi bonne place que l'était le Granec. Aujourd'hui que j'ai la conviction qu'on en veut à ma liberté et que mes ennemis, ne pouvant me pardonner mon passé, demandent à grands cris ma tête, je dois essayer par tous les moyens possibles d'échapper à leur vengeance. Malgré les dangers que je cours à Coisdélan, j'ai juré de ne pas le quitter parce qu'il me vient de ma chère Marie et que je sais qu'elle ne consentirait jamais à s'éloigner de sa mère. Sans cette considération, depuis longtemps j'aurais abandonné la France où je ne suis plus en sûreté. Cependant, quoi qu'il puisse arriver, je me tiendrai toujours sur mes gardes, prêt à faire tête à l'orage. J'ai donc l'intention de rassembler une 60aine d'hommes éprouvés pour servir de garde à mon manoir. Nous les trouverons facilement dans une foule de routiers qui rôdent dans la campagne et dont plusieurs ont déjà servi sous mes ordres. Ah, messieurs des parlements de Rennes et de Paris, prenez garde, l'agneau pourrait bien redevenir le tigre d'autrefois. « Dans quelques jours, capitaine !» s'écria De Romard. « Cette petite troupe sera recrutée. C'est toi, Quilliec, que je charge du soin de choisir ces soldats. »« Oui, mes amis !» ajouta La Fontenelle. « Je suis décidé à me défendre jusqu'à la dernière extrémité, plutôt que de me laisser passer la corde au cou, sous prétexte que j'ai fait ma soumission au roi. La dernière leçon que je viens de recevoir à Paris a été trop bonne pour qu'à l'avenir je ne prenne pas mes précautions. » Ayant dit ces mots avec une grande animation, il prit congé de ses deux anciens compagnons d'armes. « Eh bien, lieutenant, s'écria Quilliec, que dites-vous de notre capitaine ? Je dis, Quilliec, qu'il n'a rien perdu de son ancienne énergie et que s'il en trouvait l'occasion, il ferait encore parler de lui. C'est une justice à lui rendre, il a de la tête et il ne la perd jamais dans le danger. En un mot, c'est un homme de fer. Seulement, il est certaines choses qu'il ne peut oublier. » Il a sur le cœur la démolition de son fort, comme moi la perte de ma bonne taverne de Brest, et il lui serait aussi impossible de pardonner à Leclou ou à du Granec qu'à moi de ne pas sentir la rage me venir au cœur quand je songe à M. de Sourdéac ce scélérat de gouverneur, dont j'espère bien me venger quelque jour. » De Romard ne put s'empêcher de rire des paroles de Quilliec, mais il ne répondit rien et le quitta pour aller vaquer à ses occupations ordinaires.